106.3, la jungle des luttes. Vous écoutez donc FPP, Fréquence Paris Pluriel, et c'est la jungle des luttes. Programme proposé par le CSPCL, Comité de Solidarité avec les Peuples du Chiapas en Lutte. Alors, on parle souvent des apatistes, puisque c'est la base de notre collectif, mais on parle aussi de toutes ces luttes en bas et à gauche. Et c'est le programme La Jungle des Luttes, c'est un peu notre objectif, essayer de pouvoir parler de tout ce qui se passe et qui vient d'en bas. On va quand même aujourd'hui parler encore pas mal de ce qui se passe au Mexique, parce que c'est beaucoup d'activités. Et en plus, il y a aussi des bonnes nouvelles, comme la libération de Miguel Peralta, pour laquelle on s'est mobilisé, nous et évidemment bien d'autres. On parlera également de l'invitation des femmes apatistes à une nouvelle rencontre. On en reparlera donc tout à l'heure. Et on parlera, écoutez, ceux qui veulent éventuellement sortir, vous avez la possibilité d'aller au CICP, là, maintenant. Il y a une projection de film et surtout une discussion autour du cas de Vincenzo, contre lequel deux mandats d'arrêt européens sont lancés par l'Italie pour des peines, pour des crimes qu'il n'a pas commis, pour une manifestation à Milan en 2001 pour laquelle il a déjà purgé une peine, pour une manifestation à Gênes contre le G8 en 2008, et il n'y a donc là aucune preuve. Donc voilà, là, si vous voulez mobiliser, c'est maintenant, puisqu'il va y avoir un jugement donc en France, et donc ce sera le jeudi qu'il y aura un jugement. Il faut se mobiliser avant, donc aujourd'hui au CICP à 19h si vous voulez, et surtout également mercredi, place de la République, à 18h, avec pas vos propres banderoles, mais en soutien à Vincenzo uniquement, puisque bien souvent les médias en profitent pour créer des imbroglios. Donc voilà, venez soutenir Vincenzo si vous le souhaitez, et on se retrouve après une petite pause musicale pour notre petit programme autour de tout ce qui se passe au Mexique, des luttes et des résistances. Hace 20 años la vi construir la autonomía, sus caminos y veredas abren mil entradas. En estos tiempos ya somos constructores, miro las obras, muros de la resistencia, con áreas de trabajos, salud y educación. Nunca se imaginó llegar así, de que es posible construir un mundo pluricultural. Concientiza a nuestros pueblos de que nunca hay que rendirse, de que nunca claudicarse, seguir siempre adelante. Y aunque burlen tantas veces, aunque no nos reconozcan, y aunque esto les parezca cuento, cuando sepa el mundo entero, y algún día estarán sintiendo los latidos. Concientiza a nuestros pueblos de que nunca hay que rendirse, de que nunca claudicarse, seguir siempre adelante. Y aunque burlen tantas veces, aunque no nos reconozcan, y aunque esto les parezca cuento, cuando sepa el mundo entero, y algún día estarán sintiendo los latidos. México. Les queremos decir nosotros los indígenas, nuestro derecho a ser mexicanos. No necesitamos cambiar nuestra cultura, nuestra vestimenta, nuestra lengua, nuestra forma de rezar, nuestra forma de trabajar y respetar la tierra. Fréquence Paris Pluriel 106.3, la jungle des luttes, donc tous les troisièmes mardis du mois en direct de 19h à 20h30 et retransmis le quatrième jeudi à 8h du matin jusqu'à 9h30. Et donc bah, merci de nous écouter. Pour ceux qui ne sont pas allés au CICP, donc pour éventuellement soutenir le compas Vincenzo, eh bien merci de nous écouter. Donc on va parler justement d'un compas qui lui a été libéré, donc ça nous donne l'occasion de se dire que oui, il faut se mobiliser, il y a des issues possibles, et on en profite pour célébrer sa libération. On est content parce que ça a été un chemin périlleux, comme dans de nombreux cas évidemment. Et donc là, on est au Mexique, et donc il ne s'agit pas d'un zapatisme et un compas de la sexta internationale. Peut-être que tu peux en parler toi plus en détail. Tu as bien suivi pour nous raconter un peu ce qui illustre le cas donc, de plein d'autres prisonniers politiques à qui... Ouais, c'est un compas, c'est un libertaire, anarchiste, mais qui était... originaire d'un petit village d'une région indienne du Mexique, de l'état d'Oaxaca, qui s'appelle la Sierra Mazateca, qui est dans le nord-est de Oaxaca, entre c'est des montagnes, c'est toute une zone de montagnes assez pluvieuse. C'est une grande région indienne où les gens ils parlent principalement cette langue, le Mazatec. Il doit y avoir 200 à 300 000 personnes qui vivent dans cette région. Et notamment, y a énormément de villages. Et Miguel, le pote en question, lui, il était originaire d'un village qui est un peu connu, qui s'appelle El Oso Chitlán de Flores Magón. En fait, c'est un peu connu parce que c'est là qu'était né Ricardo Flores Magón, un célèbre anarchiste mexicain à la fin du 19, enfin, qui était né là à la fin du 19e siècle, mais qui était un peu... une très grande figure de la révolution mexicaine, c'est un peu avec ses frères qu'ont initié toute la contestation du dictateur de l'époque qui s'appelait Porfirio Díaz, qui avait fondé un journal très connu qui s'appelait au Mexique Régénération. Et qui petit à petit, à cause de sous l'exil, sous la persécution, ils avaient dû partir aux États-Unis. Ils s'étaient rapprochés des groupes anarchistes américains qui étaient très actifs dans la solidarité, des IWW, d'autres groupes, des Magolman, etc. Et donc c'était devenu une publication très anarchiste et donc ils avaient appelé au soulèvement armé contre le dictateur de l'époque, Porfirio Díaz, en disant il ne s'agit pas de se battre pour un nouveau candidat, un candidat à bis contre la énième réélection de Porfirio Díaz. Il s'agit de s'emparer des moyens économiques et ce qui fait que les riches ils sont riches et que les pauvres ils sont pauvres. Donc c'est de là qu'était né un peu le slogan Tierra y Libertad, la terre et la liberté, la terre à ceux qui la travaillent. Et voilà, ils avaient fait un peu des soulèvements, plusieurs tentatives de soulèvements au début du XXe siècle. Donc voilà, ce village il a un peu cette histoire-là. Après, c'est un village indien comme beaucoup, beaucoup d'autres, avec à la fois ses us et coutumes, et à la fois ses manières de faire, et à la fois aussi son souvent, comme dans beaucoup d'endroits, c'est son népotisme et ses familles un peu qui contrôlent le terrain sur place. Et en fait, dans les dernières années... notamment depuis 2007, 2006, 2007, après la grande révolte de Oaxaca, il y a notamment une famille qui s'était imposée et l'un des membres de cette famille, à travers l'intromission des partis politiques, ça veut dire en étant clairement financé par des partis politiques en faisant une campagne clientéliste, comme c'est très courant au Mexique, de distribuer des sacs de nourriture, des chemises à la couleur du candidat, de l'argent, etc., pour que les gens votent pour lui. Mais c'est pas forcément si répandu que ça dans les usages internes des communautés, même si ça se fait beaucoup en ville, dans les communautés, c'est pas le fonctionnement normal. Le fonctionnement normal, c'est des assemblées à main levée, par us et coutume. Normalement, c'est d'autres modes de fonctionnement. Donc, il avait fait un peu modernité, on va dire, et ça avait provoqué d'énormes tensions dans le village. Enfin, concrètement, ça avait provoqué beaucoup d'affrontements. Ce personnage-là, quand il est arrivé au pouvoir, qui s'appelait Manuel Cepeda. Et ça avait divisé en fait la communauté vu qu'il n'avait pas voulu diriger avec d'autres personnes que lui vu qu'il avait gagné entre guillemets les élections. Et donc il y avait une assemblée communautaire qui était un peu en résistance, très persécutée. Le père de Miguel notamment, il avait été mis en prison 4 ans. enfin plein d'autres gens s'étaient fait allègrement intimider, taper dessus, enfin avaient été envoyés à l'hôpital, etc. Il avait embauché des paramilitaires, enfin pas mal de choses. Et donc voilà, finalement il avait été dégagé du pouvoir aux élections d'après, et les gens voulaient le faire un peu justifier un peu des détournements de fonds qu'il avait fait pendant sa période. Et suite à ça, il avait occupé le palais municipal de sa communauté, là, de cette municipalité, Los Ochitlan, avec des hommes armés. Et voilà, donc ça avait créé toute une ambiance de tension assez forte dans la communauté, et qui avait abouti à un moment donné, le 15 décembre 2014, à des affrontements d'ampleur au moment de l'élection d'une charge traditionnelle, parce que lui voulait faire élire sa fille pour le remplacer petit à petit. Et de l'autre côté, bah, les gens voulaient récupérer le palais municipal qui était occupé par ces paramilitaires depuis 3 semaines alors à ce moment-là. Et donc il y a eu des affrontements. Dans les affrontements, il y a des gens qui ont été blessés par balles, et les gens de la foule se sont énervés, ont réussi à dégager Manuel Cepeda et toute sa famille du palais municipal. Et finalement, le fils de ce personnage-là, Manuel Cepeda, qui s'appelait aussi Manuel d'ailleurs, est mort dans les affrontements. Il a été, des coups qu'il a reçus. Et suite à ça, il y a eu une répression qui s'est abattue contre tous les opposants. Il y a eu plusieurs dizaines d'opposants qui ont été pourchassés judiciairement. Il y a eu jusqu'à 12-13 personnes en prison, mis en prison en préventive, accusées de... Donc il y a des dizaines de personnes qui ont dû s'enfuir et qui ont été accusées toutes d'homicide ou de tentative d'homicide, etc. La justice étant contrôlée par cette famille-là, notamment grâce à ses liens avec le gouvernement de Oaxaca. Dans cette série-là, bah, Miguel s'était fait arrêter dans la ville de Mexico et donc avait été incarcéré il y a plus de 4 ans de ça. Et comme les autres, bah, ça faisait 4 ans qu'il était en prison, sans procès, etc. Et l'année dernière, il avait fait grève de la faim pour exiger son procès, parce que ça faisait plus de 4 ans qu'il était emprisonné. Ils étaient 8 ou 9 en prison. Aujourd'hui, il y a encore des gens emprisonnés pour cette histoire. Et donc, l'année dernière, bah, il avait exigé son procès. On pensait qu'il allait être libéré au final quand ils avaient donné l'audience. Et en fait, pas du tout. Le juge local avait été payé par la famille en question et s'était vu attribuer une peine de 50 ans de prison. Alors que le dossier, il n'y avait aucune preuve ad hominem contre lui. En fait, il n'y avait aucune preuve qu'il incriminait de coups, de tentatives, de descriptions spécifiques à sa personne. Il était cité dans une liste de 35 noms de personnes qui auraient tenté d'assassiner, mais sans plus de détails. Et donc il y a eu toute une lutte assez forte qui a été menée principalement par des compasses un peu libertaires, anarchistes au Mexique, et puis ensuite qui s'est diffusée. La communauté au départ, ça a été très dur parce que y a beaucoup de gens ont été énormément terrorisés par tout ce qui s'est passé. Et puis petit à petit, là, dans les derniers mois, là, il y a eu une grosse campagne qui a réussi à se créer. Obtenir qu'il soit rejugé parce qu'il avait été jugé en son absence, il n'avait même pas été présenté à son propre procès. Donc finalement, il devait être rejugé là en septembre, et la décision du jugement devait être rendue en octobre. Et donc du coup, à partir de mi-septembre, il s'était mis en grève de la faim. À partir du 19 septembre et donc il y a eu un espèce de rapport de force qui s'est créé avec beaucoup de solidarité un peu dans le Mexique par rapport à son cas, qui au départ était pas très prise en considération parce que très éloigné de tout, parce que c'est une histoire voilà, isolé comme plein d'autres au Mexique, etc. Et puis finalement, ça a quand même pris beaucoup d'ampleur, ça a pris pas mal d'ampleur au Mexique. Ça a été relayé petit à petit par pas mal d'autres collectifs qui ont commencé à aller plus loin que les contre-vérités qui étaient sorties dans les médias et véhiculées par certaines ONG même, et puis par la famille en question qui est au parti au pouvoir aujourd'hui, qui a rejoint le parti au pouvoir de López Obrador, Morena, et qui est donc qui compte donc une députée fédérale et qui a toujours joué le rôle de la victime, le rôle de la gauche, le rôle du droit des femmes, etc. Voilà, en instrumentalisant un peu toute cette image-là pour imposer une nouvelle dictature locale, quoi. Ce qui se passe souvent, pas qu'au Mexique d'ailleurs. Et donc, avec la pression. Au Mexique et la pression internationale, il y a eu des communiqués de soutien un peu d'Europe, des États-Unis, de différents endroits. Il y a eu quand même, c'est un cas qui commençait à avoir de l'écho. Mais finalement, la semaine dernière, la date exacte, je ne me souviens plus. Mardi de la semaine dernière, il a été libéré au bout de 26 jours de grève de la faim, en pleine nuit. On s'y attendait pas du tout et eux s'y attendaient pas du tout non plus. Enfin, s'y attendaient pas du tout. On l'espérait tous, mais on n'avait aucun signe qu'il y avait une possibilité qu'il soit libéré. Et finalement, et il avant était, même son jugement, du coup. Il y avait eu. Non, parce que comme du coup tu l'as pas dit, c'est en grève de la faim. Il y a quand même eu son jugement qui a eu lieu. Septembre. Enfin, avant le rendu effectif de la décision de justice. Mais il a été libéré. Il a été libéré avant le rendu, mais enfin, donc il a été. On savait pas que. Il y a eu le procès, mais on savait pas ce que ça allait. Il a été libéré avant que la sentence, de libération immédiate ait été véritablement rendue publique. Du coup, c'est une grande victoire. Grande victoire de la lutte, de la solidarité. C'est pas la première fois qu'on arrive à faire libérer des prisonniers politiques avec des très grosses peines au Mexique. L'année dernière, il y avait eu aussi une très grosse affaire. On a dû en parler un certain nombre de fois. C'était le village de Tlanisco où il y avait 6 personnes, pareil, qui avaient pris des peines de plus de 50 ans de prison. Pareil pour le décès accidentel d'un grand chef d'entreprise, une histoire qui avait été très dure et finalement au bout de pareil de toute une campagne et de plus de 10 ans de prison, les gens de la communauté de Tlanisco avaient été libérés. Il y a le cas d'Atenco aussi, où les peines étaient astronomiques. C'était plus de 100 ans, 127 ans tout cumulé. Entre 30 et 112 ans de prison pour Ignacio del Valle, qui était considéré un peu comme le leader du village d'Atenco. À chaque fois, il y a énormément de peines gigantesques qui sont mises au Mexique. C'est pour ça qu'il y a énormément de luttes de prisonniers et toujours aujourd'hui des prisonniers qui se mettent en grève de la faim, etc. C'est que parce qu'il y a de la pression en fait que se dévoile un peu à quel point les dossiers sont fabriqués, à quel point les preuves sont fabriquées, à quel point la justice est complètement corrompu, payé, et en fait devant la pression et l'obligation en fait de regarder en détail les dossiers juridiques, c'est ça aussi qui permet souvent d'obtenir la libération des compas. Donc c'est pour dire que cette solidarité là internationale notamment, elle est très très importante. Ça vaut au Mexique, mais ça vaut sûrement aussi ailleurs. C'est très très important parce que on arrive à créer des rapports de force, même si on n'a pas l'impression, on arrive à créer des rapports de force qui sont à même de faire sortir des gens qui seraient peut-être morts en tôle. Donc voilà, Miguel Peralta libéré. Il y a encore quand même au moins 6 autres, voire 7 autres personnes de la communauté qui sont en prison, mais la décision va faire jurisprudence, donc on espère leur libération. Là, ils attendent leur procès encore. Il y a d'autres personnes qui sont, euh, qui sont recherchés. Donc voilà, on ne sait pas ce que ça va donner. Ce n'est pas non plus une lutte totalement terminée. Il peut y avoir des rebondissements. En tout cas, c'est quand même une grande victoire, quoi. Et donc, justement, en parlant à Onge en début d'émission de Vincenzo, c'est le moment de se mobiliser mercredi à 19h. Je vous ai dit à 18h tout à l'heure, c'est mercredi 23, mercredi prochain à 19h sur la place de la République. Justement, pour faire du bruit au niveau de tout, il y a forcément des médias aussi. Donc, c'est important, puisque les médias jouent aussi dans les deux sens. C'est important de se mobiliser mercredi. Voilà, c'est des choses où des fois, en fait, on a l'impression que tout est joué, tout est couru d'avance, mais en fait, c'est surtout tout est joué, tout est couru d'avance quand il n'y a personne qui se bouge et il n'y a personne qui se mobilise, quoi. Et c'est vraiment important de le faire parce que c'est des choses où ça peut se payer très cher, quoi. Et c'est des longues années. C'est la vie, c'est voilà. La vie de tous ces compas et qu'on... Qui peuvent perdre des années de vie déjà. Voilà. Là, comme actuellement, déjà avec Miguel, 4 ans, il y en a plein d'autres qui sont depuis des années. Et c'est vrai qu'en Italie, ils ont affaire à une justice qui est particulièrement dure, particulièrement expéditive, particulièrement... il y a un certain nombre de gens qui sont morts en prison, des camarades de la lutte politique, etc., notamment sur le Val de Susa ou d'autres choses. Voilà, donc c'est important d'être là aux côtés de Vincenzo, en tout cas là dans cette dernière ligne droite. On fait une petite pause musicale. Vous êtes toujours sur FPP 106.3, la jungle des luttes. À tout de suite. 106.3 FPP, la jungle des luttes. Et donc, voilà, au Mexique, il se passe donc plein de choses, vous le savez. Moi, chez nous aussi, on le sait aussi. Mais là, on en profite. Vous n'avez pas les infos des fois directement. Vous ne pouvez pas le vivre en plein. Nous non plus. Mais on a quand même des copains qui nous renvoient souvent des informations. On essaie d'être au plus près, de suivre. On y voyage de temps en temps aussi. Et puis, les apatistes, depuis toujours, donc depuis 1994, ils se sont soulevés. Donc, pour ceux qui ne resituent pas, il y a eu un soulèvement déjà il y a 25 ans. Donc voilà, c'est une grande histoire. Et ils ont depuis toujours communiqué par... comment ? Tu as dit quand même qu'il y avait 7 nouveaux caracoles. Hein. La semaine dernière, on en a parlé. Bah ouais. Donc voilà, ils ont toujours communiqué par Internet. Donc sur Internet, vous pouvez trouver plein de textes d'eux. Il y a leurs déclarations régulièrement, des pas importants qu'ils font, qu'ils annoncent. Beaucoup d'invitations également au monde, à tous les peuples du monde, à toutes les personnes qui ont envie d'apprendre, de se mobiliser, de partager. Et donc, on en avait parlé l'année dernière, il y a eu une rencontre internationale des femmes en lutte, organisée donc sur des territoires apatistes. Et il y a, je pense, rarement eu au monde une rencontre aussi longue, vraiment qu'entre femmes, pendant plusieurs jours. Et avec cette. 5 000 personnes. Ouais, plus, 000 en fait, femmes, beaucoup pense, plus 000, que 5 000, en fait. Il y en a qui. Enfin, ça a tourné, il y en a qui sont. La plus grande rencontre non mixte du monde. Et surtout, vraiment non mixte et aussi avec une grande multiplicité de femmes. C'est-à-dire que toute personne est évidemment unique, mais plein de gens, de tendances, des gens qui ne connaissaient pas du tout les apatistes non plus, qui sont venus pour cette rencontre. Donc c'était en même temps une découverte de ce qu'est le monde apatiste, parce que depuis 25 ans, ils ont eu le temps de construire aussi une autre façon de se relationner au monde. Et on peut apprendre beaucoup d'eux. Et justement, dans cette invitation, je pense qu'on pourra en reparler après, mais dans cette invitation, elle nous laisse aussi à réfléchir sur quel est le système et comment on peut se battre contre le système et de quelle façon on peut essayer d'être dans un autre monde avec d'autres principes et de s'y tenir vraiment, ce qui est un processus de longue haleine et sur lequel on chemine certains. Ce que tu n'as pas dit, mais c'est parce que du coup, il y avait la première rencontre. Ouais, ça a été coupé à cause du 5 000. Deuxième. Il devait y en avoir une deuxième. Mais d'ailleurs, elle devait avoir eu lieu l'année dernière. Elle a été annulée à cause de la pression militaire avec l'arrivée de López Obrador. C'était pile à ce moment-là, la déclaration du train Maya, tout ça. Peut-être on y reviendra. Mais du coup, ça avait été annulé l'année dernière. Voilà, enfin, ça a été annulé, pas vraiment l'année dernière, ça a été annulé cette année, en fait, le 8 mars, puisqu'elle l'avait faite l'année dernière, le 8 mars 2018. Elles avaient prévu de faire une deuxième rencontre le 8 mars 2019. Donc, elles avaient lancé une invitation, puis finalement, les événements se sont accélérés, les décisions aussi, et donc la possibilité pour eux aussi d'organiser cette grande rencontre, parce que ça fait beaucoup de monde à recevoir et donc aussi un programme à organiser, toute une logistique. Et donc, je vais vous lire l'invitation parce que ça permet aussi de voir la position, la posture. Donc cette invitation, elle est pour quand ? C'est septembre, la date, c'est l'été, c'est à Noël, je veux dire. Voilà. Elles vont nous le dire dans le texte, je vous le lis. Septembre 2019, aux femmes qui luttent partout dans le monde, sœurs compagnera femmes qui luttent. Nous te saluons en tant que femmes que nous sommes, en tant que femmes indigènes et apatistes. Tu te souviens sûrement que lors de la première rencontre que nous avons faite, nous avons pris pour accord que nous devions rester vivantes. Mais il est clair que le massacre et la disparition des femmes continuent, de tous les âges et de toutes les conditions sociales. Ils nous assassinent et nous font disparaître parce que nous sommes des femmes. Et en plus, ils disent encore que c'est notre faute, que c'est parce que nous nous habillons comme nous nous habillons, parce que nous marchons là où nous marchons, à telle heure et en tel lieu. Et donc, chez les mauvais gouvernements, il ne manque jamais une remarque stupide d'un homme, d'une femme, peu importe, pour laisser entendre que nous ne devons plus sortir. Selon leur pensée, donc, les femmes doivent rester enfermées chez elles. Elles ne doivent pas sortir, elles ne doivent pas étudier, ni travailler, ni s'amuser, elles ne doivent pas être libres. Et donc, on voit clairement que le système capitaliste et patriarcal est comme un juge qui dit que nous sommes coupables d'être nées femmes et que donc nous devons être punis pour ce délit par la violence, la mort ou la disparition. Il est difficile, sœur et compagnera, de mettre des mots sur cette cruauté qui est si grande qu'on ne peut la nommer. Maintenant, on parle de féminicide, mais peu importe le mot, on voit que ça ne change rien. Les disparitions et les assassinats continuent. Et ensuite, nos familles, nos amis, nos proches doivent encore lutter pour ne pas que l'on nous tue ou qu'on nous fasse disparaître de nouveau alors que les coupables ne sont même pas punis. Ou alors qu'on dit que nous n'avons pas eu de chance ou pire encore que nous l'avons bien cherché. Pardonne-nous, sœur et compagnera, mais tout ceci est vraiment stupide. Nous avons déjà lutté contre la discrimination à la maison, dans la rue, à l'école, au travail, dans les transports, avec nos proches et les inconnus. Et le comble, c'est qu'ils disent encore que nous cherchons à mourir. Non, nous ne mourrons pas, ils nous violent, ils nous assassinent, ils nous découpent en morceaux, ils nous font disparaître. Ceux qui disent ça sont des machistes ou des femmes avec des pensées machistes. Alors, compagnera, sœur, puisque nous avions décidé ensemble lors de la première rencontre de rester en vie, on se doit de rendre des comptes de ce que nous avons fait, de ce que nous n'avons pas fait pour que cet accord soit respecté. C'est pour cela que nous vous invitons à cette deuxième rencontre internationale des femmes qui luttent, avec pour seul thème la violence contre les femmes. Et ce thème sera divisé en deux parties. La première sera de dénonciation et dans la seconde, il s'agira de voir ce que nous allons faire pour arrêter le massacre qu'ils commettent contre nous. Et donc, c'est à cela que nous t'invitons, sœur et compagnera, à que nous nous réunissions, que nous nous exprimions toute notre rage et que nous disions clairement tout ce qui est fait contre nous partout. Car nous voyons comment ils mettent en pièces nos douleurs. Une violée d'un côté, une frappée de l'autre, une disparue par ici, une assassinée par là. Ils font comme ça pour que nous pensions que c'est le problème d'une autre femme ailleurs, que ça ne va pas nous arriver à nous, que ce n'est pas si grave, que les mauvais gouvernements vont trouver une solution. Mais nous voyons qu'il n'en va pas ainsi, que oui, ça va nous arriver à nous ou à l'une de nos proches, que oui, c'est grave, très grave, et que les mauvais gouvernements ne font rien. Ils ne feront que des déclarations pour dire que les coupables seront poursuivis, et pas les assassins, ni les violeurs, ni les ravisseurs, mais les femmes qui, dans leur rage, cassent des vitrines ou peignent des graffitis sur une statue. C'est ça le système capitaliste patriarcal, sœur et compagnera. Il en va ainsi, une vitrine ou un mur égratigné vaut plus que la vie d'une femme. Et ça, ça ne peut vraiment pas continuer. Regarde, nous voulons te parler d'une époque, il y a des années, avant notre soulèvement et le début de la guerre contre l'oubli. Ici, dans les plantations, un poulet valait plus que la vie d'une femme indigène. Difficile à croire. Eh bien si, c'est ce que disent les grands propriétaires. Ce que disaient. Maintenant, c'est encore pire pour les femmes que nous sommes puisqu'ils pleurnichent et se scandalisent pour une vitre et un tag qui dit la vérité. Et la vérité, ce n'est pas seulement qu'on nous viole, qu'on nous assassine et qu'on nous fait disparaître. Ça oui, c'est vrai. Mais la vérité, c'est aussi que nous n'allons pas faire comme s'il ne se passait rien, en restant bien gentilles et obéissantes. Ils nous attaquent tellement qu'on dirait que c'est devenu un business du système. S'il n'y a plus de femmes assassinées, disparues, violées ou violentées, alors il n'y a plus de bénéfices. C'est peut-être pour ça que cette guerre contre les femmes ne s'arrête pas. Comment expliquer sinon que chaque jour et partout, des femmes soient portées disparues ou assassinées, et que le système continue comme ça, tranquillement, content, ne se préoccupant que de ses comptes bancaires. Il se peut que soudain, si nous sommes toujours vivantes, si nous ne sommes pas violentées, le business soit alors ruiné. Il faudrait aussi analyser si en même temps qu'augmente le nombre de femmes violentées dans le monde, les bénéfices des grands capitalistes augmentent aussi. Tant de femmes frappées, disparues, assassinées, équivaudraient à tant de millions de dollars ou d'euros ou de n'importe quelle autre monnaie. Car nous savons bien que le système n'écoute que ce qui affecte ses bénéfices. Et nous savons bien aussi que le système fait des bénéfices sur les destructions et les guerres. Alors nous pensons que les violences et les morts qu'on nous impose sont des bénéfices pour le capitaliste et que nos vies, nos libertés, nos tranquillités sont des pertes d'argent pour le système. Alors nous voulons que tu viennes et que tu dises clairement ce que tu veux dénoncer. Non pas pour qu'un juge ou un policier ou un journaliste l'écoute, mais pour qu'une autre femme, d'autres femmes, beaucoup de femmes qui luttent, l'écoutent. Et ainsi, sœur et compagnera, ta douleur ne sera pas seule et elle s'unira avec d'autres douleurs. Et de tant de douleurs qui s'unissent, il n'en sortira pas qu'une douleur plus grande, mais il sortira une rage qui sera comme une graine. Et si cette graine pousse en s'organisant, alors la douleur et la rage se feront résistance et rébellion, comme nous disons par ici. Nous arrêterons alors d'attendre qu'il nous touche ou que nous touche la tragédie. Et nous nous mettrons à faire quelque chose, d'abord pour arrêter cette violence contre nous, et ensuite pour conquérir notre liberté en tant que femmes que nous sommes. Car c'est ça l'expérience de notre histoire en tant que femmes, en tant que paysannes, en tant qu'indigènes et en tant que zapatistes. Personne ne va obtenir pour nous la paix, la liberté, la justice. Nous devons lutter, sœur et compagnera, lutter et faire tomber celui qui a le pouvoir. C'est pour cela que l'invitation au thème de la violence contre les femmes n'est pas faite seulement pour dénoncer, mais aussi pour dire ce qui se fait ou ce qui s'est fait, ou qui peut se faire afin d'arrêter ces crimes. Nous le savons car nous avons entendu et nous avons vu dans tes participations lors de la première rencontre qu'il y a beaucoup de manières et de formes de lutter en tant que femmes que nous sommes. Nous savons que certaines disent que leur manière est la meilleure et que la forme ou la manière des autres ne sert à rien. Et bien d'autres choses se sont dites. C'est bien si on en discute, même si nous n'arrivons à aucun accord. Mais le problème que nous avons vu, nous, zapatistes, c'est que pour pouvoir discuter et nous disputer pour savoir qui est la plus féministe, eh bien, tout d'abord, nous devons être vivantes. Et pour le moment, ils nous tuent et nous font disparaître. Alors, l'invitation à cette rencontre est consacrée à un seul thème, violence contre les femmes, avec deux parties, dénonciation et proposition pour mettre fin à cette guerre. Ce n'est pas parce que nous allons faire un accord et toutes lutter de la même manière, car chacune a ses manières, ses géographies et ses moments. Mais il s'agit d'écouter les différentes formes. Ça nous donnera des idées de comment faire, et selon, nous verrons ce qui nous est utile et ce qui ne l'est pas. Le système veut seulement que nous crions de douleur, de désespoir, d'angoisse et d'impuissance. Aujourd'hui, nous devons crier ensemble, mais crier de rage, de colère, d'indignation. Mais pas chacune de son côté, un petit morceau comme ils le font pour nous violer, nous tuer, nous faire disparaître. C'est ensemble que nous devons crier, bien que chacune en son temps, en son lieu et à sa manière. Et d'un coup, compañera et sœur, peut-être que nous apprendrons non seulement à crier de rage, mais aussi que nous trouverons la manière, le lieu et le temps pour crier un monde nouveau. Rends-toi compte, sœur et compañera, les choses sont telles que pour pouvoir être vivantes, nous devons créer un autre monde. Le système en est arrivé au point où nous devons le tuer une bonne fois pour toutes si nous voulons vivre. Il ne s'agit pas de l'arranger un petit peu, de lui mettre un beau visage et de lui demander de bien se comporter, qu'il ne soit pas si mauvais, qu'il n'exagère pas. Non, il faut le détruire, le tuer, le faire disparaître, qu'il n'en reste rien, ni même descendre. C'est comme ça que nous le voyons. Compañera et sœur, soit c'est le système, soit c'est nous. C'est le système qui a imposé ça et non pas nous, en tant que femmes que nous sommes. Alors voici les dates auxquelles nous t'invitons. Le 26 décembre, ce sera le jour de l'arrivée, puis les journées du 27, 28 et 29 décembre, les jours durant lesquels nous nous rencontrerons, parlerons, écouterons, et la clôture aura lieu le même jour, le 29. Le lieu, ce sera le Semillero, qu'à partir de maintenant, on va appeler « Trace des pas de la commandante Ramona », au caracol tourbillon de nos paroles dans la zone Tzotzchor, dans la commune de Morelia, municipalité autonome et rebelle zapatiste du 17 novembre, dans le même lieu où s'est tenue la première rencontre. L'arrivée se fera directement au caracol, on y donnera les badges et le programme, et de là, les compañeras chauffeuses t'amèneront au semillero où aucun homme ne sera admis, même si ce sont des hommes bons, réglo ou quoi qu'ils soient. C'est-à-dire qu'ils ne pourront même plus jeter un œil ni voir de loin notre réunion, car le semillero est protégé par des montagnes. Les hommes pourront rester dans le caracol et attendre pendant que nous nous réunirons en tant que femmes que nous sommes, mais seulement s'ils viennent accompagnés par une femme qui s'engage et se porte garante qu'ils ne fassent pas de bêtises. Nous dirons que ce lieu est mixte, c'est-à-dire que tant les hommes que les femmes qui les acceptent pourront y être. Dans ce lieu où pourront rester les hommes, parfois peut-être une commission de femmes zapatistes viendra du lieu de la rencontre pour leur raconter ce qui est en train d'être dénoncé dans le semillero. Pour qu'ils sachent quoi. Et qu'ils aient un peu honte, pour qu'ils aillent alors raconter à d'autres hommes et qu'ils leur disent le principal, que nous n'allons pas attendre qu'ils comprennent, qu'ils se comportent bien ou qu'ils arrêtent leurs conneries, mais que nous allons nous organiser pour nous défendre d'abord et ensuite pour tout changer. Tout, tout. Une autre chose que nous vous disons, compañera et sœur, c'est que nous avons revu ce que nous avions mal fait lors de la première rencontre. Et c'est pour cela que nous voulons le faire dans le même lieu afin de voir si nous pouvons corriger nos erreurs. Et aussi que nous avons vu que dans le registre et la programmation de la première rencontre qu'ont été favorisées celles qui pensent pareil que les personnes qui se sont chargées d'aider à faire ce registre et cette programmation. C'est-à-dire qu'il y a des activités qui n'ont pas eu lieu et des femmes qui n'ont pas participé, car celles qui pensaient pareil ont été favorisées. Et lorsqu'on a voulu faire entrer les autres dans le programme, il n'y avait plus de temps ou d'espace pour le faire. Alors, pour que cela ne se reproduise pas, pour qu'aucune femme ne vaille plus que les autres, nous, en tant que femmes indigènes zapatistes, nous allons tout faire depuis le début, c'est-à-dire tout depuis l'inscription et le programme. Nous ne l'avons jamais fait, mais nous n'avions jamais non plus été chauffeuses, et vous voyez bien que nous avons appris. Alors peut-être que nous nous en sortirons mal, et que nous n'arrangerons pas correctement les choses, que le programme ne sera pas parfait, mais ce sera parce que nous sommes en train d'apprendre et non parce que certaines nous paraissent sympas, parce qu'elles pensent comme nous ou que d'autres ne nous reviennent pas pour une quelconque raison. Nous sommes donc en train de nous organiser et de nous répartir le travail pour que tout soit totalement organisé par nous-mêmes. Ainsi, quand tu enverras ton mail, nous te dirons plus tard à quelle adresse écrire et quand commenceront les inscriptions, tu sauras que c'est l'une d'entre nous, femme, indigène, zapatiste, qui ouvrira ton mail et marquera ton nom et ton organisation, groupe ou collectif si tu en as, ou si tu viens de manière individuelle. Et nous te répondrons quelque chose pour que tu saches que nous avons noté ton nom sur la liste. Et si ton message dit que tu vas faire quelque chose, nous le mettrons dans le programme. C'est pour cela que nous te demandons que lorsque tu t'inscriras, tu le fasses en langue espagnole, car nous, notre langue est d'origine maya, et nous connaissons un peu l'espagnol, mais les autres langues du monde, nous ne les connaissons pas. Et si nous nous trompons et que nous n'écrivons pas bien ton nom, il n'y a pas de problème. Quand tu arriveras ici, tu pourras t'inscrire et nous te donnerons un badge de la seconde rencontre internationale des femmes en lutte. Bon, tu connais déjà le lieu et la date et comme ça, tu peux t'organiser pour venir ou envoyer quelqu'un ou charger quelqu'un de te raconter comment ça s'est passé et ce que nous avons dit. Et ainsi, bien que tu sois loin, tu sauras que notre devoir en tant que femme qui lutte, c'est que ne s'éteigne pas la petite lumière que nous t'avons donnée. Car parfois, elle ne sert pas seulement à nous éclairer, parfois elle sert aussi à brûler le maudit système capitaliste patriarcal. Eh bien, c'est tout pour le moment, sœur et compagnera. Nous te dirons bientôt à quelle adresse écrire et comment ces inscriptions. Mais tu sais déjà, le plus important, ce sont les journées du 26, 27, 28 et 29 décembre 2019, au même endroit que la première rencontre. C'est là que nous t'écrivons ces paroles et que nous t'envoyons une accolade. Et là, donc, il y a 65 femmes consignées des 5 différentes zones et qui vous invitent. Et on va commenter un petit peu cette invitation, mais on va peut-être faire une petite pause musicale surtout. FPP, la jungle des luttes, donc programme proposé par le comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire qu'on est en direct ensemble, donc encore jusqu'à 20h30, et que vous pouvez nous retrouver le 1er, 3e et 5e mercredi du mois dans les locaux de la CNT, 33 rue des Vignoles, au métro Avron, pour partager avec nous vos luttes et aussi l'expérience au Mexique. On peut partager et échanger. Voilà, et pour dire aussi, il y a un site internet, même si on n'arrive pas à le mettre à jour comme on voudrait, parce qu'on n'est pas beaucoup, hein, parce qu'on n'est pas beaucoup, et puis parce qu'il faudrait des renforts pour arriver à faire tout ce qu'on aimerait arriver à faire, et notamment ce texte, qu'on n'a pas encore mis en ligne. Mais en tout cas, je pense que tout le monde se doute à la lecture et à l'écoute que c'est un texte et une invitation extrêmement importante, extrêmement forte. Du coup, si vous écoutez cette émission, si vous voulez, on va quand même essayer de le mettre en ligne là. En tout cas, n'hésitez pas, donc il sera disponible en ligne là dans les prochains jours. Sur le site du CSPCL, alors c'est cspcl.ouvaton.org et peut-être, je sais pas, sur Paris Lutte Info ou ailleurs, mais n'hésitez pas à le diffuser aux personnes que vous pensez que, c'est-à-dire quand même, je pense, beaucoup de personnes. Mais voilà aussi, parce que s'il y a des personnes qui aimeraient partir là-bas, c'est vrai que des fois, on était en train de discuter là un peu en rantaine, c'est jamais trop facile de se dire « Ah, comment on va partir un pays aussi loin, le Mexique et tout ?» Et puis des fois, pour pas que ça soit toujours que les personnes qui ont les moyens de partir, que les copines qui ont les moyens de partir, qui puissent partir, c'est bien de pouvoir en discuter collectivement, quoi, des fois. Parce que ça peut permettre, que ça soit de trouver un peu d'argent ou d'avoir des tips un peu pour trouver des billets d'avion qui sont moins chers. Nous, par exemple, on a un petit plan qui permet d'avoir des billets, on va dire, de seconde main, des choses comme ça, qui peuvent permettre d'aller éventuellement là-bas, peut-être de... Voilà, quoi. En tout cas, s'il y a des personnes qui veulent partir là-bas, qui ne parlent pas forcément espagnol, aussi à venir justement au comité pour pouvoir partager justement cette possibilité. Et puis pour ceux qui n'ont pas du tout l'intention de partir pour X raisons, vous pouvez rediffuser ce texte à d'autres, le lire, et puis en même temps, ça fait réfléchir aussi pas mal, parce que il y en a je pense à Jules Falquet qui a écrit autour de la violence et du capitalisme auxquelles elles font référence, ces femmes zapatistes, dans ce texte, comme la violence faite aux femmes comme complètement partie intégrante du système. On le sait bien, on le vit au quotidien. Et il y a beaucoup de réflexions autour de ça. Et puis, c'est intéressant aussi de voir comment elles critiquent aussi elles-mêmes ce qu'a été la première rencontre. Mais ce qui est intéressant surtout, c'est qu'elles sont capables de critiquer pour avancer, qu'elles n'ont absolument pas dit, celles qui se sont mal comportées l'année dernière en invitant que leurs copines dans leur programme, à construire un programme favorable à peut-être plus celles qu'on connaît ou celles qui correspondent plus à ce à quoi on pense comme étant le féminisme. Moi, je trouve que c'est très intéressant de voir cette capacité à pouvoir critiquer, tout simplement parce qu'elles, elles ont appris, je pense, en tant que femmes zapatistes, à vraiment faire pour toutes et tous. Donc, toutes et tous, avec toutes ces différences, et c'est quelque chose qu'ils expliquent depuis toujours, qu'ils essayent de mettre en œuvre et qu'ils réussissent à vraiment se l'imposer comme quelque chose qu'ils doivent faire. Et donc, moi, je trouve ça assez remarquable d'être capable de se dire que, faut pas répéter les erreurs, et on peut refaire une rencontre sans répéter les erreurs. Et donc, du coup, je trouve que c'est aussi une belle leçon que ces femmes donnent, et ces zapatistes en particulier, puisque je pense que c'est ce qu'on peut aussi essayer d'apprendre, puisque nous-mêmes, entre nous, parfois, on a du mal à s'écouter entre nous tous. C'est un peu notre difficulté pour avancer. Donc, du coup, c'est bien de réfléchir à tout ça, de comment on se comporte et comment c'est difficile d'avancer tous ensemble. C'est un travail acharné depuis des années. Donc, on vous invite en tous les cas à aussi lire plein d'autres textes, puisque là, en ce moment, il y a un autre site, donc le nôtre, là, qui est spcl.ouvaton.org, qui met des textes essentiellement en français. Pour ceux qui sont hispanophones, il y a le site NAC Zapatista, qui, donc, lui, diffuse absolument tous les textes. Donc, c'est aussi très riche, parce que ça permet de comprendre aussi quelle est cette façon de voir les choses et de poser les choses et d'avancer dans ce processus de lutte qui mène maintenant depuis 25 ans avec... Il y a eu différentes étapes, plein d'étapes évidemment. Ouais, pour, aussi pour un peu sur l'un des thèmes, je pense qu'il y a un des thèmes qui est quand même assez important. Et, ouais, c'est, elles arrivent à la fois à ne pas dire bon, bah, voilà, l'important c'est une pensée ou un féminisme par rapport aux autres, mais en même temps d'arriver à avancer, je crois, de manière assez... Ah, c'est juste des priorités ou des choses que, enfin voilà, en tout cas, mais qui font écho un peu à des choses qui se passent partout dans le monde, en tout cas qui sont très très fortes en Amérique latine, la lutte contre les disparitions de femmes, les assassinats. Je sais que c'était un thème aussi assez important la semaine dernière au CSIA, là, les rencontres. Il y avait notamment un film très fort qui s'appelait Ce silence qui tue. À l'occasion du 12 octobre. Voilà, sur la disparition de plusieurs milliers de femmes autochtones au Canada, dans l'indifférence générale. Voilà, des milliers de femmes sur lesquelles il n'y a jamais eu d'enquête, des scènes hallucinantes. On a l'impression d'être dans un pays d'Amérique latine, mais non, c'est le Canada, et c'est parce que c'est des femmes autochtones qui constituent malheureusement la plupart des personnes qui sont obligées de se prostituer pour pouvoir survivre. C'est près de 90%, je crois, de la prostitution canadienne, et très très jeune. Et voilà, je pense aussi, j'en sais rien, les statistiques où ça pourrait être ici, mais c'est vrai que il y a quand même c'est toujours pareil, quoi. C'est toujours dans les caps, c'est toujours dans les personnes les plus fragiles, et dans les personnes qui sont immigrées en situation de difficulté économique, que la violence, elle est la plus forte, elle est la plus dure. C'est là où il y a les maternités qui ferment, c'est là où il y a les possibilités d'avorter qui sont le plus difficiles, c'est là où les violences, elles sont les plus dures, c'est là où il y a la prostitution qui est le plus imposé, dans le sens où il n'y a pas d'autres, par contre, souvent il n'y a pas d'autres ressources possibles, etc. Et du coup, je pense qu'elles arrivent à dire aussi que c'est par là qu'il faut aussi se mobiliser. Du coup, moi, je sais pas, je trouve que s'il y a des collectifs qui se battent ici aussi, plein de choses, je sais pas si on peut aider à diffuser, en tout cas si des collectifs, même sans pouvoir venir là-bas, indépendamment du CSPCL, s'il y a des collectifs de femmes ici qui luttent, et qui ont envie d'envoyer des messages à ces rencontres, je pense que c'est une manière de participer aussi qui va être valorisée. S'il y a besoin d'aide pour traduire en espagnol, c'est peut-être aussi possible. Donc on va faire une petite pause musicale et on revient avec tout un tas de méga projets aussi sur lesquels il faut se pencher et se mobiliser. Criminales FPP 106.3, on est au Chiapas, vous l'avez reconnu avec la petite guitare et ses petits chants tout à fait la mexicaine, on s'y croirait. Et donc voilà, n'oubliez pas la violence des femmes, si c'est ce thème des prochaines rencontres, c'est aussi parce qu'il faut déjà rester vivante pour pouvoir réussir à construire un autre monde. Là, on va essayer de vous mobiliser si vous le voulez, en tous les cas de vous y intéresser, de voir comment on peut tout ça mettre en réseau, parce que l'objectif, c'est aussi d'être plus on est nombreux, plus on a d'idées, plus on peut avancer, on peut aussi mobiliser, faire du bruit et stopper. Et stopper la violence des grands projets aussi. Donc ça, les femmes sont souvent en première ligne, du coup, justement. On l'a souvent dit, on peut le redire, et du coup les communautés indigènes évidemment, puisque les grands projets souvent s'installent dans des zones encore non exploitées sur lesquelles les communautés indigènes vivent et qu'elles protègent justement ces ressources, ces sources du sol, du sous-sol. Puis il y a aussi les projets touristiques comme notamment le train Maya. Ouais, même pas que touristique, mais c'est vrai que l'un des... là, un peu au Mexique, là, c'est un thème de grosse mobilisation en ce moment, de la part que ce soit des zapatistes ou des communautés un peu du Congrès national indigène, parce que depuis l'arrivée au pouvoir d'un nouveau président, là, il y a une offensive extrêmement forte et claire du capital sur et du gouvernement, du coup, du nouveau gouvernement au pouvoir. Pour imposer d'énormes méga projets dans le sud-est mexicain. C'est un peu l'objectif phare là pour le développement capitaliste au Mexique, c'est l'appropriation, l'exploitation des ressources du sud-est mexicain. Alors ça va depuis, en fait c'est un peu ce qu'on appelait avant le plan Puebla-Panama, c'est d'ailleurs la même personne qui est un peu derrière, le bras droit dans tous les sens du terme de López Obrador, qui s'appelle Alfonso Romo, qui est un milliardaire qui avait élaboré à l'époque ce qui s'appelait le plan Puebla-Panama et qui est du coup aujourd'hui le secrétaire présidentiel. Et du coup, ces projets... Puebla, c'est une ville au Mexique. Voilà. Hein, le plan Puebla-Panama, c'est un espèce d'énorme projet de développement d'infrastructures pour le développement du capitalisme depuis, en gros, le centre du Mexique jusqu'à l'Amérique centrale. Et donc là, on a un peu une offensive extrêmement forte de la part du nouveau gouvernement en place pour mettre ces projets en place avec le grand projet... Enfin, deux grands projets phares, on va dire. L'un qui est l'isthme, la création d'un nouveau, deuxième, entre guillemets, canal de Panama qui serait sur l'isthme de Tehuantepec, qui est la partie la plus étroite après Panama entre l'océan Pacifique et les Caraïbes, du coup, de ce côté-là. Donc, du coup, les Caraïbes et forcément la mer interne pour les États-Unis, qu'ils aimeraient bien faire leur mer interne, mais aussi l'océan Atlantique, forcément. Et donc, il y a l'idée de remettre d'énormes investissements au niveau des ports, au niveau du train, etc., pour créer toute une plateforme multimodale et une dizaine de parcs industriels avec des maquiladoras comme c'est au nord du Mexique. Et ça se passe en ce moment. C'est des décisions qui sont en train d'être prises en ce moment avec notamment le gouvernement de López Obrador est allé démarcher l'Union européenne et notamment les banques les fonds d'investissement européens qui dépendent de l'Union européenne pour permettre d'avoir les avoirs suffisants, parce qu'on parle de milliards et de milliards de dollars d'investissement pour réaliser ces infrastructures-là et ces parcs industriels-là où la main-d'œuvre du sud du Mexique et d'Amérique centrale pourra être exploitée sans avoir à migrer jusqu'aux États-Unis, sans avoir à envahir les États-Unis, comme le dit Trump. Voilà, un espèce de projet de nouvelle maquiladoras dans le sud-est mexicain contre lequel se battent forcément les zapatistes et le Congrès national indigène, et avec son pendant aussi qui est tout un projet de restructuration territoriale de toute la péninsule du Yucatan, donc depuis la grande station touristique de Cancun, qui est un peu le havre des Américains et des touristes. Enfin voilà, l'énorme place du tourisme balnéaire, voilà de la des côte, Caraïbes, ouais. Voilà des Caraïbes, jusqu'à l'intérieur, jusqu'au Chiapas, jusqu'à Palenque plus précisément. Donc il y a tout un réseau de ferroviaire qui devrait être remis en place. Donc c'est, on parle de 1500 km, plus de 1500 km de voies ferrées, avec donc 7 tronçons qui seraient vendus, enfin qui seraient concessionnés à du coup à différentes multinationales, donc voilà privées. Donc il va y avoir étrangères, voilà, et il va y avoir des, bah, notamment après, ouais. Ça peut être aussi des, sûrement il va y avoir des espèces de consortiums avec des capitales mexicains et du capital international, ils savent bien faire ça, mais forcément ça intéresse un certain nombre de grands acteurs internationaux, pas que européens, pas que américains, aussi chinois, aussi enfin un peu voilà asiatiques, mais d'énormes investissements, et des investissements qui sont pas que pour donc qui visent à augmenter le tourisme de manière exponentielle, l'industrie touristique, voilà, la diffuser depuis la côte jusqu'à l'intérieur, jusqu'au Chiapas concrètement, parce que bah, les touristes, ils ont encore du mal à arriver jusqu'au Chiapas en prenant des cars et qui mettent plus de 15 heures de petite route. Voilà, pour arriver jusque sur place. Donc là, ils auront les trains et tout le service. A priori, il va pouvoir mettre en relation 4 sites de Maya. Ça va passer Maya. Par des énormes, donc, énormes sites coup, Maya. Ça, c'est un peu le côté folklore où il a vendu un peu comme ça son projet en disant les sites Maya vont enfin être... Mais derrière, en fait, le financement du train, comme ils l'ont reconnu, ça ne serait pas tant le tourisme que le transport de marchandises, et principalement de marchandises agro-industrielles qui seraient exploitées dans tout le sud-est mexicain et qui seraient évacuées vers les ports à travers l'infrastructure de ferroviaire. C'est à ça que ça sert. C'est pour ça qu'au 19e siècle, en tout cas, la plupart des grandes lignes ont été construites dans toutes les colonies. Voilà, donc c'est le grand projet en cours, avec aussi la création de 18 villes nouvelles, pôles de développement urbain, donc sur un territoire, la péninsule du Yucatan, qui est encore à 70% de jungle, concrètement, qui est encore aux trois quarts sans présence humaine, et aux trois quarts sous... régime des rideaux, donc ça veut dire de terre collective. Donc là, ces nouveaux pôles de développement urbain, urbano-touristique ou urbano-industrialo-touristique, ou je ne sais pas comment on doit dire, ça va être clairement de l'investissement privé, des grands capitaux qui vont être appelés à investir. Et on imagine le désastre et la dévastation qui va en venir. Ce n'est pas parce qu'on appelle ça développement durable, éco-quartier ou je ne sais pas quel autre... hypocrite que ça va changer la donne. C'est un plan de destruction, voilà, et de d'exploitation, de destruction, de tout ce qu'on veut. Parce qu'effectivement, on pourrait dire effectivement le train, c'est beaucoup mieux en termes de pollution, de sécurité pour tout le monde par rapport aux routes qu'on peut connaître, et à la pollution et aux camions. L'idée, c'est aussi surtout de investir une région qui donc déjà est polluée par le tourisme, donc c'est déjà pas utile de le polluer. Le train, c'est pas surtout... pour polluer moins, c'est pour qu'il y ait moins de personnes, c'est pour qu'il y en ait plus, pour qu'il y ait plus de personnes, plus de marchandises, et plus d'exploitation. Des sources et des ressources, et effectivement avec l'idée de pouvoir connecter avec d'autres développements dans la péninsule, pour pouvoir un peu aussi relier, désengorger, et pouvoir créer une Oh, la grosse cocotte minute, quoi. Ouais, la grande inspiration du gouvernement López Obrador, c'est la politique chinoise, la politique de la Chine, qui s'est beaucoup fondée sur les trains pour développer le capitalisme industriel durant ces 15-20 dernières années en Chine. Ils ont énormément utilisé, ils ont construit, je crois, en 10 ou 15 ans, là, ils ont construit plus de voies ferrées qu'il en existe en Europe. Et donc... voilà, c'est un et peu d'ailleurs, la première entreprise qu'on avait pu identifier comme étant une de celles qui allait investir dans le rail, c'était l'entreprise chinoise. Ça, c'était la première qui avait été visibilisée parce que c'était la première entreprise référente pour ça. Type de projet. Donc contre ça, il y a des mobilisations un peu qui sont en train de se créer là-bas dans un contexte qui est complètement hypocrite où en même temps que toutes les licitations des projets sont en train d'être faites, les appels d'offres, etc., il y a les consultations des communautés indigènes qui devraient être faites, mais comme ils disent, de toute façon, c'est déjà trop tard, mais comme ils disent, de toute façon, on sait que ces projets, soi-disant, seraient consensuels, donc maintenant, si on fait des consultations des communautés indiennes qui risquent d'être impactées, c'est un peu pour voir de quelle manière elles pourraient participer à ces projets, ça veut dire de quelle manière, en fait... et pourront participer un peu de la destruction en cours pour en tirer quelques bénéfices. Donc le gouvernement appelle déjà les communautés à ne pas vendre leurs terres pour pouvoir garder la mainmise du foncier sur les hôtels et les énormes développements urbains qui seront construits sur place, faire une espèce de enrichir quelques communautés indiennes qui joueraient le jeu du capitalisme pour que tout le reste soit exploité en tant que domestique, ouvrier ou caisse. Et surtout que forcément, ce n'est pas dans l'intérêt des communautés, c'est surtout dans l'intérêt du capital international, on s'en doute bien. Et en plus, c'est quelque chose qui est systématique. C'est-à-dire que du coup, il y a depuis maintenant, depuis l'ALENA, en fait, depuis donc justement 1994, qui correspond aussi au soulèvement zapatiste, il y a justement eu cette réforme qui a permis que les rideaux ne soient plus de propriété sociale ou collective, si on peut dire. Donc ça a été un processus qui a commencé donc déjà depuis 25 ans, où justement il y a une pression pas possible sur toutes ces terres qui sont collectives et qu'ils essayent de maintenir. Mais il y a évidemment le problème de l'un ou de l'autre, qui est d'une famille qui va moins résister à l'argent, ou qui aura des difficultés, et à partir de là, qui va commencer à morceler les rideaux. Et donc ça, c'est une pression qui a été exercée énormément sur tous les territoires, mais surtout là où il y avait encore des rideaux collectifs, donc le sud du Mexique notamment, qui était beaucoup plus indigène que la partie nord, qui a petit à petit été pas mal industrialisée. Il y a très peu de petites communautés. Les personnes qui vivent dans des communautés ont été souvent amenées à travailler en ville et donc à perdre le travail paysan. Et donc aussi... la pression qui maintenant devient de plus en plus forte sur des régions qui jusque-là avaient pu être plus ou moins épargnées en termes de possibilités de maintien des collectifs des terres. Voilà, il y a un peu un espèce de discours là, du gouvernement pseudo-progressiste donc, qui serait de voir comment associer alors les dernières formes un peu collectives qui pourraient exister au capital avec des espèces d'alliances entre le reste de ce qui resterait des structures collectives indiennes, celles qui resteraient, qui pourraient survivre, en gros, ça serait celles qui feraient alliance aux grands capitaux dans des projets d'exploitation. Je sais pas, il y aura peut-être 5% qui seront reversés à la communauté, 95% pour l'hôtel en question. Enfin, en tout cas, il y avait eu le 12 octobre dernier une journée globale de lutte, pas mal au Mexique, mais il y a eu beaucoup d'événements en conséquence, mais aussi au niveau international. Journée globale de lutte en défense de la vie et de nos territoires, qui était un peu pour lutter aussi contre ces méga-projets et en la mémoire d'un activiste autochtone mexicain qui s'appelait Samir Flores, qui se battait contre un autre projet de centrale thermoélectrique dans l'état du Morelos. Un projet absolument hallucinant de centrale thermoélectrique et de gazoduc en bas du volcan Popocatépetl qui est en activité, qui menace d'exploser voilà, régulièrement. Et donc, il y a un énorme gazoduc qui est en train d'être construit pour ravitailler toutes les zones industrielles, qui est construit par des sociétés italiennes, espagnoles, et puis pour le bénéfice d'entreprises notamment françaises comme Saint-Gobain et d'autres qui sont implantées là-bas. Et bah, il s'était fait assassiner l'année dernière. Donc il y a toutes ces mobilisations un peu qui ont cours au Mexique en ce moment. Il y a un appel à venir soutenir ces mobilisations, à venir aussi dénoncer, ça c'est un appel de notre part aussi, les entreprises françaises qui sont impliquées, par exemple EDF qui est très impliqué aujourd'hui dans l'isthme de Tehuantepec, qui a privatisé des milliers d'hectares pour construire des espèces de champs d'éoliennes industrielles. Voilà, forcément, ce n'est pas de l'électricité qui va pour les communautés, mais qui est revendue à des multinationales. Il y a des communautés qui se battent là-bas contre ces projets. Il y a des gens ici qui ont pu se solidariser, malheureusement aussi, bah, des fois, depuis des endroits qui sont menacés. Je pense à la Masada en Aveyron, par exemple, qui luttait contre un transformateur et qui lutte toujours contre la construction d'un transformateur, d'un énorme transformateur électrique là, dans l'Aveyron, avaient manifesté en septembre dernier leur soutien aux communautés au Mexique en lutte contre EDF. Et ben, malheureusement, la Masada s'est fait expulser il y a 2 semaines dans une violence assez forte avec une grosse intervention dont on n'a pas beaucoup forcément entendu parler. Mais c'est un peu c'était un peu une ZADBIS qu'ils avaient construit sur place qui s'est fait défoncer. Et du coup, voilà, on essaie de lutter un peu partout comme on peut. Mais voilà, cette dévastation, elle est générale et on sait qu'il faut créer justement des alliances un peu contre tous ces méga projets en cours qui ravagent un peu partout. En tout cas, que ce n'est pas isolé, qu'on va arriver à lutter contre cette machine de destruction. Voilà, et donc du coup, on fait une petite pause musicale avant de se quitter pour les dernières nouvelles. N'oubliez pas donc de vous mobiliser si vous ne restez pas jusqu'à la fin, mercredi à 19h pour Vincenzo qui donc a un mandat européen, que la justice italienne le réclame pour des peines, enfin pour des crimes qu'il n'a pas commis et pour d'ailleurs un délit pour lequel il a déjà purgé une peine et ça remonte à déjà 2001. Donc surtout c'était le contexte de la répression incroyable. On parle de Gênes en 2008, donc il y a eu Amnistie 2001, en plus. 2001 c'était à Milan, ah ouais, dans la manif antifasciste, okay, et 2008 à Gênes, si je ne me trompe pas. Et donc du coup, voilà, c'est important de pouvoir faire en sorte qu'il ne soit pas livré à la justice italienne, de manière à ce que... mercredi à 19h, place de la République. Et puis donc après, vous pourrez nous rejoindre également, si vous le souhaitez, à 20h30 au CSPCL, puisqu'on a notre assemblée le 1er, 3e et 5e mercredi du mois. No estamos de paso, no somos fracaso. No estamos de paso, no somos fracaso. Solo he venido a darte mi abrazo, ya mismo me voy. Solo he venido a darte mi abrazo, yo ya mismo me voy. Para ser libre, si yo estaba allí, cada palabra sentí. El 12 de marzo, en Distrito Federal, esperanza y abrazo, libertad y dignidad. No estamos de paso, no somos fracaso, no estamos de paso. estamos de paso, no somos fracaso. Solo he venido a darte mi abrazo, ya mismo me voy. Solo he venido a darte mi abrazo, yo ya mismo me voy. Somos viento, somos el viento que sopla, que viene y va. Somos viento, energía y movimiento. Mira, somos viento, que es lo que somos en realidad. Somos viento, icoti, icoti, icoti, viento. Dans 6.3 FPP, la jungle des luttes. Donc voilà, on va se quitter. On se retrouvera évidemment le troisième lundi du mois prochain. Vous pouvez donc quand même nous réécouter jeudi en 8, comme on dit, quatrième jeudi, de 8h à 9h30. Vous pouvez réécouter nos émissions. Ça y est, on a remis le blog à jour. Vous avez toutes nos émissions sur le blog La Jungle des Luttes. Vous pouvez donc, comme on le disait tout à l'heure, nous retrouver le 1er, 3e et 5e mercredi du mois au 33 rue des Vignoles. Et vous pouvez consulter aussi le site mais voilà, qu'on essaie de réapprovisionner quand on peut, voilà, avec les textes, les traductions, les infos de là-bas. Quand on, voilà, on arrive à faire ce travail de traduction et le mettre en ligne, c'est www.cspcl.ouvaton.org, le site du comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte. Et il y a un concert aussi le 17 novembre, dimanche 17 novembre. Donc c'est un concert organisé par le collectif Contre-Culture, donc le collectif CCC, qui sans doute vous le connaissez, ce collectif, puisqu'il fait des concerts pour différentes associations ou collectifs. Ils ont déjà organisé des concerts pour FPP, justement. Ça permet à toutes ces collectifs de récupérer des sous pour fonctionner ou pour une chose qu'ils auront décidé ce jour-là. Et donc, nous, le 17 novembre, ça tombe bien, c'est une date importante pour les zapatistes, c'est la création de l'armée zapatiste. Donc, du coup, on aime bien, c'est bien, et on fait souvent un concert en novembre, ça tombe souvent un peu vers cette période-là, donc on pourra en profiter pour discuter aussi donc ensemble si vous venez, puisque les concerts, c'est pas seulement des concerts, il y a aussi en général une petite projection, un moment de discussion, un débat. Et donc, on peut aussi échanger en face à face. Trouver du matériel. Et du coup, il y a voilà, une table de presse et puis des échanges en direct. Et donc, ce sera le 17 novembre. Et donc, c'est à partir de 17h, de 17h à 22h, avec en général trois groupes, plutôt rock, punk, ska. Et là, je me souviens plus. Et moi non plus, d'un coup. En fait, c'est très loin déjà le 17 novembre, mais ouais. Déjà jusque dans un mois pile poil. Et pile poil, dommage, on n'a pas le petit flyer avec nous. Mais l'important, c'est d'être avec nous. C'est 5€ l'entrée, donc c'est pas cher non plus. Ça permet de nous mobiliser, de pouvoir faire des actions, de se mobiliser sur autour de tout ce dont on a parlé. Donc, éventuellement, se mobiliser auprès des femmes zapatistes parce qu'elles ont une rencontre ou en tous les cas d'autres communautés qui sont en train de lutter contre un projet ou des prisonniers politiques et qui donc sont en prison et ont besoin de soutien. Il y a d'autres rencontres internationales qui devraient avoir lieu, dont on attend les convocations, notamment celle des rencontres internationales de proches de disparus, de prisonniers politiques, de victimes de la répression policière et militaire et paramilitaire au Mexique. Donc un appel des zapatistes à ce qu'il y ait une rencontre internationale. Il y a des initiatives qui sont en cours, qui se dévoileront petit à petit, on aura l'occasion d'en parler de vive voix cette date. Donc voilà, faites attention à vous parce que la répression est sévère partout. Et puis, ben, restons vivants pour continuer, et vivantes surtout, pour continuer à lutter ensemble, à résister, à ouvrir nos yeux et très grands nos oreilles surtout. Partager encore FPP 106.3, être solidaire aussi avec cette radio qui est toujours un peu menacée. Merci de votre écoute, à très bientôt. Merci pour la technique et à vous de nous avoir écoutés. À très bientôt. Salut. Bye.